France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Et avec toute l'équipe qui m'aide à préparer chaque semaine cette 42e rue, Martine Moni, Fabien Flora, Perrine Mingui, nous vous souhaitons une très bonne année. On est très ravis de vous retrouver en ce dimanche matin d'après les fêtes. Et comme nous en avons pris l'habitude depuis 10 ans, nous ouvrons cette année par un grand concert de comédie musicale avec un compositeur au nom inconnu. Et pourtant, les titres de ses chansons parlent pour lui. 42nd Street, Lullaby of Broadway, We're in the Money. Et pourtant, il a composé pour Judy Garland, Gene Kelly, Fred Astaire, Bing Crosby. Pour 75 films à Hollywood, et trois de ses chansons ont reçu un Oscar. You'll Never Know, Lullaby of Broadway, et aussi On the Hutchinson, Topeka and the Santa Fe. Il est l'auteur, enfin, de toutes les chansons de la fameuse comédie musicale 42nd Street, mais son nom reste désespérément dans l'ombre. Ce matin, voici un concert conçu par le grand pianiste et spécialiste de la comédie musicale américaine Michael Feinstein, avec à la tête du BBC Concert Orchestra et du BBC Big Band, Larry Blanc, avec les solistes Alison Jayer et Rebecca Treherne. Une balade à travers la carrière de Harry Warren, a commencé par la chanson-titre du film 42nd Street, avec les magnifiques chorégraphies de Busby Berkeley, devenue ensuite une comédie musicale à Broadway. Voici Rebecca Treherne et le BBC Concert Orchestra, ce matin, sur la 42e rue de France Musique. Sexy ladies from the 80s who are in the street, they're side by side, they're glorified. Where the older world can't meet, they'll meet 42nd Street. I don't know if he deserves a bit of sympathy. Forget your sympathy. That's all right with me. I was satisfied to drift along from day to day, till they came and took my man away. Remember my forgotten man? You put a rifle in his hand. You sent him far away. You shouted, hip hooray. Well, look at him today. Remember my forgotten man. You had him cultivate the land. He walked behind a plow. The sweat fell from his brow. But look at him right now. And once he used to love me. I was happy then. He used to take care of me. Won't you bring him back again? Because ever since the world began, a woman's got to have a man. Forgetting him, you'll see, means you're forgetting me, like my forgotten man. Remember my forgotten. Shouted hip hooray, but look at him today. Remember my forgotten man. You had him cultivate the land. He walked behind a plow. The sweat fell from his brow, but look at him. Gotcha. I was happy then. He used to take care of me. Won't you bring him back again? Oh, bring him back. At 8:45. the stars are gonna twinkle and shine this evening about a quarter to nine. My loving arms are gonna tenderly twine around you around a quarter to nine. I know I won't be late, 'cause at half past eight I'm gonna hurry there. I'll be waiting where the lane begins, waiting for you on needles and pins. And then the world is gonna be mine this evening about a quarter to nine. You must have been a beautiful baby, you must have been a wonderful child when you were only starting to go to kindergarten. I bet you drove the little boys wild. And when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you made the cutest bow. Oh, you must have been a beautiful baby, 'cause baby, look at you now. I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's gotta be sunny to me. When your eyes look into mine, jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes? Gosh, I'll get up, how'd they get so lit up? Gosh, I'll get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, got to get my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where'd you get those eyes? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, got to get my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Concert autour du grand compositeur Harry Warren ce matin pour notre première 42e rue de l'année 2018 avec à l'instant Michael Feinstein qui nous offrait un florilège des tubes de ce compositeur About a Quarter to Nine, You Must Have Been a Beautiful Baby, écrit avec Johnny Mercer en 1938, et enfin Jeepers Creepers, écrit avec Johnny Mercer pour Louis Armstrong, c'était dans le film Le Cavalier Errant, chanson nommée aux Oscars en 1938. Auparavant, vous avez entendu You're Getting a Habit to Me, une chanson écrite en 1932 pour le film 42nd Street, et puis Remember My Forgotten Man, Soul à souhait, composé pour un autre film de Busby Berkeley, Les Chasseuses d'or de 1933. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Harry Warren avait certes débuté sa carrière sur la côte Est. Il est né dans une famille immigrée italienne à Brooklyn. Il est autodidacte. Il apprend l'accordéon, les percussions, le piano, les rudiments de la musique en chantant dans un chœur d'église. Et puis il débute comme pianiste dans les théâtres et dans les cinémas qui passent des films muets. Il commence à écrire des chansons et certaines sont déjà intégrées dans des revues de Broadway. Mais en fait, dès 1928, il part de l'autre côté, sur la côte ouest. Là, il va travailler pour la Warner. Il va composer les chansons de 75 films. Et surtout, il va s'associer aux paroliers Al Dubin et à Busby Berkeley, chorégraphe passé à la mise en scène de films spectaculaires et géométriques, pour créer les films noirs de la dépression américaine. Voici, pour continuer ce concert, un medley instrumental de ces années, Busby Berkeley d'Harry Warren. Et puis suivra une chanson célèbre de l'un de ses films, et entre deux, une chanson composée pour Broadway en 1926. Le BBC Concert Orchestra, le BBC Big Band, sont dirigés par Larry Blank. Incidentally, if you should run into a shower. If you should run into a shower. Just step inside my cottage door. Cottage door. And meet the $1 million baby. From the 5 and 10. 5 and 10 cent store. Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. Oh, we're in the money, the sky is sunny. Sang it rolling around. Oh boy, we're in the money. I'll say we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. Let's go, we're in the money. Look up, the skies are sunny. Oh man, depression, you are through, you've done us wrong. We never see a headline, bad red line today. And when we see the landlord, send it. Thank you. Sublime, interprété par Alison Jayers avec le BBC Concert Orchestra et le BBC Big Band dirigé par Larry Blank. C'était At Last, une chanson composée par Harry Warren en 1941 avec Mac Gordon. C'était pour le film Les Femmes de l'Orchestre. C'était interprété dans le film en duo et accompagné par Glenn Miller et son orchestre. C'est une chanson qu'Harry Warren considérait comme sa préférée et qui a été reprise tant de fois par Miles Davis, Doris Day ou Nat King Cole. Et puis juste auparavant, vous avez reconnu aussi la chanson type des années noires américaines, les années de dépression, We're in the Money, la chanson des chercheuses d'or interprétée dans le film de Busby Berkeley par Ginger Rogers. C'était ici interprété par Michael Feinstein, Rebecca Trier, Alison Jayers et le chœur des Capital Voices. Et enfin, avant, c'était I Found a Million Dollar Baby, par Michael Feinstein, chanson écrite pour les paroles par Mort Dixon et Billy Rose et créée à Broadway en 1931 par Fanny Bryce. Vous l'avez compris, ce matin, sur la 42e rue de France Musique, ces concerts, nous célébrons le compositeur Harry Warren, un de ces compositeurs dont on connaît par cœur la musique, mais pas le nom, et qui a surtout fait carrière à Hollywood. Alors par exemple, bien sûr que vous connaissez cette chanson, c'est un standard. Harry Warren la compose pour un film en 1941, Sun Valley Serenade. Elle est interprétée dans le film par Glenn Miller et son orchestre. D'abord l'orchestre, qui imite un train qui s'élance en gare. Puis les trompettes, les trombones, qui imitent le klaxon du train. Et enfin, le reste des musiciens et les voix. Et tout commence par le dialogue entre un passager et un gosse cireur de chaussures. Alors on nous raconte que la locomotive qui a servi d'inspiration à Harry Warren est une locomotive à vapeur qui appartenait à la Cincinnati Southern Railway. le BBC Big Band, le BBC Concert Orchestra, le chœur des Capitol Voices. Alors au fait, Chattanooga, ça se situe dans le Tennessee, au sud-est des États-Unis. En voiture. Say, step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. I got my fare and just a trifle to spare. You leave your Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer. Back to have your hammer mix in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. There you are. There's gonna be a certain party at the station. Saddling ladies. I used to crawl funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga, Chattanooga, get a boy. Chattanooga, Chattanooga, won't you choo-choo me home? The BBC Big Band. so fresh and alive, and I'm so glad to arrive. It's all so grand. It's easy to see, you don't need a palace to feel like Alice in Wonderland. Do you hear that whistle? She's the only one that'll sound that way on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. See the old smoke rising around the bend. I reckon that she knows she's gonna meet a friend. Folks around these parts get the time of day from the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. What a thrill! Singing westward ho, right from the day I heard them start. Across the Kansas plains from New Mexico, I guess I got a little gypsy in my heart. When I'm old and gray and settled down, if I ever get a chance to sneak away from town, then I'll spend my busman's holiday on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. Hey Jim, you better get the ring. She's got a list of passengers that's pretty big, and they all want lips to round so tell. Cause lots of them been traveling for quite a spell. Thank you. him out and whisper, "There you are, there you are. Then, my love, you will be standing here close to me. In your eyes, I will see friendly star." Deux chansons composées par Harry Warren, créées par Judy Garland. C'était Friendly Star, interprétée par Alison Jair. Et puis, auparavant, Andy Hutchinson, Topeka and the Santa Fe, Oscar de la meilleure chanson originale en 1946, sur des paroles de Johnny Mercer. C'était Rebecca Trehearne. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Vous l'avez compris, Harry Warren a composé au cours de sa carrière tube sur tube. Il représente cette énergie qui a traversé les films musicaux et les comédies musicales. Et il était, comme vous l'avez compris, très versatile, pouvant passer d'un genre de musique à un autre, très doué en jazz, en rhythm and blues. Pour conclure ce concert, je vous propose sa lettre d'amour à Broadway. Good night, baby. Sleep tight, baby. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The hip hooray and ballyhoo, the lullaby of Broadway. The rumble of the subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain and Maxie's when a Broadway baby says goodnight. It's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Milkman's on his way. Sleep tight. lullaby of Broadway. The band begins to go to town, and everyone goes crazy. You rock a bio baby round till everything gets hazy. Hush-a-bye, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy say, and baby goes home to her flat to sleep all day. Shuffling feet dancing down that famous street. Morning's a glowing, lights start glancing. Listen to the lullaby of old On referme ce concert autour du compositeur Harry Warren avec l'une des chansons fétiches de Broadway, les Lullaby of Broadway, qu'il avait composée pour un film à la Warner en 1935, Les Chercheuses d'or. Une chanson qui déjà à l'époque, avant New York célébrait la vie nocturne de Broadway et ses habitants qui ne s'endormaient pas avant l'aube. C'est une chanson créée par Winnie Shaw dans le film en 1935 et qui sera reprise 45 ans plus tard dans la comédie musicale 42nd Street. Une comédie musicale pour Broadway, imaginée par le producteur David Merrick, justement autour du film 42nd Street, et avec uniquement des chansons d'Harry Warren, qui piochait aussi dans d'autres films de son répertoire. Et pourtant, ça sera ça la grande ironie de l'histoire, et pourquoi Harry Warren n'est toujours pas très connu aujourd'hui par le grand public. Le nom d'Harry Warren ne sera même pas sur l'affiche de cette comédie musicale lorsqu'elle arrivera à Broadway. Un comble. Voilà, c'était un concert donné en juillet dernier à la BBC dans l'émission Friday Night is Music Night, un concert imaginé et présenté par Michael Feinstein avec les Capitol Voices, le BBC Concert Orchestra, le BBC Big Band, dirigé par le grand chef d'orchestre américain Larry Brunk, avec aussi Rebecca Trehearne et Alison Jayer. Un grand merci aussi à Christelle Vino aux Affaires Internationales de Radio France qui nous a permis la diffusion de ce concert que vous pouvez évidemment réécouter et podcaster sur le site de France Musique et la page de 42e rue. Notez que c'est déjà samedi prochain, exceptionnellement, que nous enregistrerons notre prochain cabaret 42e rue à 11h au studio 105. Nous aurons la chance de recevoir l'orchestre au complet et tous les artistes de la nouvelle production des Parapluies de Cherbourg d'après le film de Jacques Demy avec les chansons de Michel Legrand. En effet, ils seront la semaine prochaine en représentation à l'Opéra de Reims. Eh bien, entre deux représentations, il passe par la 42e rue de France Musique pour un concert très privé. Comme toujours, réservation nécessaire sur le site maisondelaradio.fr. Et dimanche prochain, vous pourrez entendre ce cabaret. Vous pouvez nous suivre enfin sur Twitter avec le hashtag 42 rue et sur notre page Facebook. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée et présentée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec à la technique ce matin Delphine Baudet et à la réalisation Perrine Mingui. Rideau! À réécouter sur francemusique.fr.